des souvenirs d'enfance en France. Violence, manque d'indulgence, par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie Galant, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est l'an. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, comme laissé tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Voyez passer séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Caruquera, Calédonie, Ouessant.